Deuxième chapitre. Alice nage dans ses larmes. De plus en plus épatant, s'écria soudain Alice, dont la surprise était telle qu'elle en oublia un instant les usages de la bonne langue. Voilà que je suis en train de m'allonger comme une longue-vue géante. Ah, c'est effrayant! Ma tête va bientôt atteindre le plafond de cette haute galerie. Oh, mes pauvres petits pieds, comme ils sont loin de mes yeux. Je ne les vois presque plus. Adieu, mes pauvres petits pieds. Qui donc désormais vous mettra vos bas et vos souliers, mes chéris? Hélas, moi je ne le pourrai plus, c'est certain. Ah, et puis, continua Alice avec humeur, j'ai bien assez de soucis comme ça. Vous vous débrouillerez comme vous pourrez. Tout de suite, Alice regretta cette parole malheureuse. « Si je me fâche avec eux, pensa-t-elle, ils ne voudront peut-être plus me conduire là où j'aurai l'intention d'aller. Il vaut mieux que je sois aimable avec eux. » Et elle ajouta à haute voix et d'un ton câlin, « Petit pied, ne vous désolez pas, je vous ferai cadeau d'une paire de souliers tout neufs à chaque Noël. » Elle réfléchit sur la façon dont elle s'y prendrait pour tenir sa promesse. « Je les leur enverrai par le voiturier, » se dit-elle. « C'est cela qui sera drôle, quelqu'un envoyant des cadeaux à ses propres pieds. Et quelle amusante adresse !»« À monsieur le pied droit d'Alice, tapis de foyer, près des chenets, avec les sentiments affectueux d'Alice. »« Oh, ma chère Alice, quelles absurdités tu es en train de débiter !» Là-dessus, sa tête alla taper le plafond de la galerie, et Alice se trouva ainsi avoir dépassé 3 mètres de hauteur. Aussitôt, elle saisit la petite clé d'or sur la table et courut à la porte du jardin. Ah bien oui, tout ce qu'elle put faire cette fois, ce fut, après avoir ouvert la porte minuscule, de coller son œil à l'entrée du couloir lilliputien et de regarder de loin dans la direction du jardin. Quant à y pénétrer, Alice en eut un vrai découragement. C'était trop de malheur en vérité. Elle s'assit par terre, appuya son front contre ses genoux qu'elle entoura de ses mains, et dans cette attitude de la plus profonde désolation, elle pleura. Elle eut beau se gronder selon son habitude. « Vous n'avez pas honte, mademoiselle Alice? Une grande fille comme vous pleurnichez de la sorte ?» Elle n'en continua pas moins de pleurer, de verser des torrents de larmes. Oui, on peut dire des torrents de larmes sans crainte d'exagérer, car Alice pleurait comme peut pleurer une personne de 3 mètres de hauteur. Des litres et des litres de liquide amer s'échappaient de ses yeux et se répandaient sur le sol tout autour d'elle. Bientôt la galerie en fut inondée et la pauvre grande fille se trouva au milieu d'une vraie mare d'eau profonde. Elle dut à sa taille de n'être pas noyée. Elle s'éloigna un peu vers le bord, à l'endroit où la terre apparaissait encore, et elle fut fort étonnée d'y rencontrer le lapin blanc qui passait vêtu de magnifiques habits brodés et tenant d'une patte un bel éventail et de l'autre une paire de gants en chevreau blanc. Il arrivait en trottinant à pas pressés et semblait fort inquiet en voyant cette mare nouvelle sur son chemin. Il murmurait. « Oh, la duchesse, elle va être furieuse si je la fais attendre. » Alice, désespérée, en était réduite à implorer le secours du premier passant. Aussi, quand le lapin fut assez près d'elle, elle appela d'une voix timide. « S'il vous plaît, monsieur. » Le lapin s'arrêta court, regarda Alice avec toutes les marques de la plus grande frayeur, laissa tomber de ses pattes tremblantes l'éventail et les gants, et s'enfuit 4 à 4. Alice ramassa l'éventail et les gants, et comme il faisait très chaud au bord de cette mare stagnante, elle se mit à s'éventer tout en bavardant. Ma chère, que de choses étranges aujourd'hui! Ce n'est pas possible, on m'a métamorphosée la nuit dernière, et je ne suis plus moi. Je dois être l'une de mes petites amies. Mais laquelle? Pas Ada, certainement, puisqu'Ada a les cheveux bouclés, et que j'ai, moi, les cheveux tout raides. Pas Mabel non plus, puisque Mabel est une ignorante, et que je sais, moi, toutes sortes de choses. Alors, Mabel est Mabel, et moi, je suis moi. Mais non, pourtant, puisque je ne suis pas moi. Ah, ma chère, tout cela est bien embarrassant, c'est un vrai casse-tête. Voyons un peu si je sais encore ce que je sais d'habitude. 4 fois 5 font 12, et 4 fois 7 font 13, et 4 fois 8 font... Non, je n'irai jamais jusqu'à 20 de cette façon-là. Heureusement, cela n'a aucune importance. Et la table de multiplication n'a été inventée que pour taquiner les écoliers. Passons à la géographie. Londres est la capitale de Paris, et Paris est la capitale de Rome, et Rome... Non, ça ne doit pas être ça. C'est donc en Mabel l'ignorante que j'ai dû être changée. Eh bien, c'est du joli. Essayons pourtant encore de dire « Comment le petit crocodile... » Et se croisant les bras comme pour réciter une leçon devant sa maîtresse, Alice commença. Comment le petit crocodile s'y prend-il donc pour rendre plus belle et plus belle encore sa longue queue brillante et faire jouer les eaux du Nil sur chacune de ses écailles d'argent? Voyez comme il semble joyeux, comme il ouvre hardiment ses grandes mâchoires pour faire un plus aimable accueil aux petits poissons du fleuve. « Non, s'interrompit Alice avec désespoir, non, ce ne sont pas là les vraies paroles. Je ne les reconnais plus. C'est désolant. Plus de doute, je suis Mabel, et il va me falloir aller vivre dans une vilaine petite maison et ne plus m'amuser avec de beaux jouets, et surtout apprendre des leçons toute la journée. Non, je ne veux pas être Mabel, je ne veux pas. Si l'on vient me chercher ici et qu'on appelle Mabel, je ne répondrai pas. Et pourtant, ah oui, je voudrais bien sortir de ce pays de lapins. » Comme elle achevait ce long discours, elle s'aperçut qu'elle avait, tout en bavardant, lâché l'éventail et enfilé l'un des 2 petits gants du lapin blanc. Ce qui lui donna à penser que ses mains avaient bien rapetissé depuis quelques minutes. Elle courut à la table pour s'y mesurer. La table avait elle aussi gagné le rivage et constata avec étonnement qu'elle était revenue à une taille de 40 centimètres environ. Elle supposa que c'était les gants qui étaient capables de rapetisser ainsi les fillettes et elle les jeta bien vite loin d'elle, juste à temps pour éviter de disparaître complètement, car elle continuait à baisser, baisser. « Je l'ai échappé belle !» se dit Alice, enchantée de se trouver encore en vie. « Et maintenant, puisque me revoilà petite comme une souris, courons au jardin !» Elle y alla, en effet, trottinant le plus vite possible, mais l'obscurité ayant peu à peu envahi la galerie, elle ne prit pas garde à la mare de ses larmes et y tomba tout à coup, plaf, la tête la première. Elle crut d'abord que c'était dans la mer qu'elle venait de tomber, car l'eau était salée, oh mais salée! Alors elle se dit qu'elle était sauvée, parce que dans son esprit, la mer n'était jamais bien loin de la plage du chemin de fer et le chemin de fer de la maison de ses parents. Mais bientôt, elle se souvint de la mare formée par les grosses larmes qu'elle avait versées quand elle avait 3 mètres de hauteur, et son espoir disparut. « Je voudrais bien n'avoir pas tant pleuré, songea-t-elle. Je vais à présent en être bien punie et me noyer dans mes propres larmes. Du moins, cela sera curieux, tout à fait curieux. » Et elle nagea, se maintenant très bien au-dessus de l'eau, mais allant au hasard. À la fin, elle entendit tout près d'elle quelque chose qui faisait floc, floc dans l'eau. Elle regarda et, jugeant ce qu'elle voyait d'après sa toute petite taille à elle, elle crut avoir affaire à un phoque. En réalité, ce n'était qu'un pauvre rat qui était tombé à l'eau tout comme elle. « Convient-il, se demanda Alice, d'adresser la parole à ce rat ?»« Bah, essayons toujours. » Elle dit, « Oh rat, connaissez-vous le chemin pour sortir de cet océan ? Je suis bien fatiguée de nager, oh rat !» Alice ne savait pas trop si c'était là la bonne manière de parler à un rat. Pareille aventure ne lui était pas encore arrivée, mais elle se rappelait avoir vu, dans la grammaire latine de son frère, aux déclinaisons « le rat au rat du rat au rat le rat », et elle pensait avec raison que c'était ici l'occasion ou jamais d'employer ce cas. L'animal, cependant, la regarda sans rien dire, de l'air d'une personne qui ne comprend pas. « Il a sans doute les oreilles bouchées par l'eau, » se dit Alice. « Parlons un peu plus haut et lâchons un mot sensationnel. »« Où est ma chatte ?» cria l'espiègle enfant. Le rat fit un bond hors de l'eau et se mit à frissonner de terreur. « Oh, je vous demande pardon, » dit Alice, bonne apôtre, et d'une voix repentante. « J'avais tout à fait oublié que les chats n'étaient pas de vos amis. « En effet, je n'aime pas beaucoup ces bêtes-là, » dit le rat. « Est-ce que vous les aimeriez, vous, si vous étiez à ma place ?»« Ma foi, peut-être bien que non, » consentit Alice. « Pourtant, ne vous mettez pas en colère, cher monsieur. Je parie que vous auriez un caprice pour les chattes s'il vous était donné de rencontrer ma petite Dina. Elle est si gentille, cette chérie. Elle s'assied si gentiment sur son derrière près du feu en ronronnant, en léchant ses pattes pour s'en nettoyer ensuite le museau. Un amour de petit museau rose. Et puis, il n'y a pas de chatte comme elle pour attraper les souris et les rats. « Oh, qu'est-ce que je dis là ?» s'écria Alice en cherchant à se rattraper, car le rat semblait vouloir mourir d'épouvante et aussi de colère. « Qu'est-ce que je dis là ? Pardonnez-moi, cher monsieur, je n'y mets aucune mauvaise intention, je vous assure, et si vous voulez, nous ne parlerons plus de Dina, puisque cela vous déplaît. » « Je le préfère, en effet, » souffla le rat, qui tremblait du museau au bout de la queue. « Il ne m'appartient pas de converser sur un tel sujet. Notre race a toujours détesté les chats, qui sont de vilaines bêtes. Je ne veux plus en entendre parler. »« Je n'en parlerai donc plus, » dit alors Alice en cherchant un autre sujet de conversation. « Voyons, monsieur, aimez-vous les chiens ? Il y en a un près de chez nous qui est un amour. C'est un petit terrier aux yeux brillants. Il rapporte à merveille quand on lui lance quelque chose. » Et il a toutes sortes de petits talents de société, comme de dîner à table avec une serviette autour du cou. Il appartient à un fermier, et son maître dit qu'il lui rend tant de services qu'il ne le céderait pas pour une fortune. Il paraît d'ailleurs qu'il tue comme pas un tous les rats, et « Oh mon Dieu, voilà que je vous offense encore, mon bon monsieur !» s'exclama Alice d'une voix désolée en voyant le rat s'éloigner d'elle si précipitamment que toute l'eau de la mare se soulevait en vagues écumeuses. Elle le supplia de revenir, lui dit mille choses douces. « Monsieur le rat, petit rat chéri, ne vous en allez pas, revenez me tenir compagnie. Nous ne parlerons plus de chats ni de chiens puisque vous ne les aimez point. » À ces mots bienveillants, le rat s'arrêta dans sa fuite et revint en nageant vers Alice. Son pauvre museau pointu était encore tout frissonnant d'effroi et il dit d'une voix émue « Gagnons la rive et mettons-nous à l'abri. Là, je vous raconterai mon histoire et vous comprendrez alors pourquoi je hais les chats et les chiens. » On mit du temps à atterrir, non seulement parce qu'Alice était fatiguée de s'être maintenue toute une heure sur l'eau et que ses petits bras ne nageaient pas fort, mais encore parce que la mare était littéralement encombrée d'une foule d'animaux qui s'y étaient égarés. Il y avait là un canard, un pélican, un merle, un aiglon et bien d'autres animaux des plus divers. Alice et le rat nagèrent vers le rivage et toute la bande suivit.